France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Suite de notre série intitulée « L'ombre et la lumière », après nos réflexions d'hier sur la peinture, la photographie et le cinéma, réfléchissons aujourd'hui aux explorations romanesques de la noirceur. Deuxième épisode, la part d'ombre des personnages littéraires. À la charnière des 18e et 19e siècles, est apparu en Europe et singulièrement en Grande-Bretagne un genre littéraire nouveau qu'on appelle le roman gothique, attiré par le fantastique inquiétant et le macabre. Tout cela est manifeste notamment dans Frankenstein de Mary Shelley. Cette tendance romanesque a connu une sorte de deuxième vie à la toute fin du 19e siècle anglais, avec par exemple en 1890 le portrait de Dorian Gray de l'Irlandais Oscar Wilde. Mais c'est l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, publié en 1886 par l'Écossais Robert Louis Stevenson, qui incarne le plus cette veine néo-gothique de langue anglaise. Un roman si influent qu'il a fait naître une expression courante pour suggérer la face cachée de certaines personnes. L'ombre dans la psyché des personnages, l'ombre dangereuse et irrépressible, semble être devenue, depuis, la grande affaire de certains romanciers. Et ce, y compris en pleine effervescence lumineuse des années 1960 et 70, comme le montre un auteur américain un peu trop méconnu en France, Hubert Selby. Selby est devenu célèbre en 1964 avec un livre qui s'intitulait « Last Exit to Brooklyn ». Mais d'autres textes de lui méritent attention, notamment « Le démon », paru en 1976, qui raconte comment une pulsion sexuelle, puis une envie de meurtre, s'empare peu à peu d'un jeune cadre new-yorkais qui était pourtant si prometteur. Je vous propose ce matin de réfléchir à l'obscurité intime et inquiétante, avec pour point d'appui Stevenson et Selby. Bonjour Nathalie Saudo-Welby. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature britannique à l'université de Picardie et vous venez il y a quelques mois de faire paraître aux éditions de l'École normale supérieure un livre intitulé « Jack and Jekyll, la dégénérescence en Grande-Bretagne ». Et bonjour Olivier Cohen. Bonjour. Vous êtes le fondateur des éditions de l'Olivier, l'Olivier qui traduit beaucoup de littérature anglo-saxonne. Vous allez ce matin nous parler de Hubert Selby, de sa troublante quête, dans ses romans d'une certaine puanteur obscure que cache très mal la lumière de la société américaine. Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu, et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles. Oui, il y a le mal faire et le mal agir. Oui. Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables, fondamentalement ? À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que l'angoisse est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal, sans doute, et que c'est en mettant le lecteur dans la perspective, ou tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse, pour simplifier la situation du roman. C'est en mettant le lecteur devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre Georges Bataille, l'écrivain français, sur l'ORTF en mai 1958, évoquant l'importance du mal en littérature, dit-il, pour ne pas ennuyer le lecteur. Il évoque une tension nécessaire, il évoque surtout le mal agir plus que le mal faire, c'est-à-dire la subversion, la transgression, l'interdit qui doivent être en quelque sorte mis en scène par la littérature. C'est un Français, ce n'est pas un Anglais, ce n'est pas un Américain. Est-ce que ce que raconte Bataille a quelque chose à voir avec ce que nous allons évoquer ce matin, qui concerne pour le coup l'Angleterre et l'Amérique? À vous, Nathalie Soudot-Welbid, d'attaquer ce gros morceau. Robert Louis Stevenson était écossais, mais c'est vrai que Dr. Jekyll, Mr. Hyde se déroule à Londres. Et dans l'univers qui était celui du gothique fin de siècle, c'est-à-dire un univers surtout urbain, avec toutes les frayeurs que cela évoquait à la fin du 19e siècle. Des frayeurs associées aux agitations sociales, à la menace que représentait une ville aussi très polluée, la pauvreté. Ce qui est intéressant dans la citation de Georges Bataille, c'est cette idée que la littérature ne doit pas ennuyer. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui était très cher à Robert Louis Stevenson, parce que ce qu'il voulait, c'était un roman d'action, un roman qui soit plein de forces vives, qui fasse vivre, qui captive. Et c'est quelque chose qu'il a toujours essayé de montrer et de mettre en œuvre en développant le genre du roman tel qu'on l'appelle en anglais romance, c'est-à-dire un roman qui serait palpitant. Et ce qu'il y a dans Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est effectivement une exploration du mal. Et cette exploration du mal, par rapport à ce que dit Georges Bataille, elle est toujours suggérée, c'est-à-dire que au début, la première fois que Hyde apparaît, il piétine une petite fille. Quand même, oui. Ouais. C'est pas suggéré. Ça. Non, ça c'est pas suggéré. Et il y a un autre moment où il tue un member of parliament, donc un membre du parlement. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que finalement le mal qu'il fait, il n'est pas longuement décrit dans le roman. On a ces deux événements, donc la vulnérabilité de la petite fille, l'attaque d'une source d'autorité très forte, un homme bien établi. Donc un peu deux sources du mal, mais entre deux, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. On sait qu'il se livre. Il n'y a rien de sexuel, si je puis me permettre, apparent. C'est plutôt l'envie de tuer qui est centrale, ou je me trompe? Alors ça, on peut discuter la question de savoir quels sont les sous-entendus sexuels dans l'œuvre, parce que justement, entre ça, on sait qu'il a des plaisirs inavouables, immodérés, qu'il a fait naître Hyde pour pouvoir cacher ces plaisirs-là, dans un désir de pouvoir concilier sa vie avec sa position de gentleman respectable, aussi avec probablement son éducation calviniste. Mais finalement, le mal lui-même n'est pas vraiment décrit longuement. C'est-à-dire que il est évoqué dans une zone d'ombre, justement, ça reste un peu dans l'ombre, comme dans le portrait de Dorian Gray. Mmh. Et ça veut dire que le lecteur peut faire un peu apparaître ce qu'il a envie. Donc la littérature n'est pas ennuyeuse quand elle parle du mal, mais peut-être qu'elle est aussi ennuyeuse si elle en parle trop, qu'elle le décrit trop longuement. Et ce qu'on voit dans Dr. Jekyll, il y a bien deux événements, hein, mais entre deux, on a une approche gothique traditionnelle qui est « less is more », c'est-à-dire « moins suggère le plus ». Et là, si vous voulez mettre un contenu sexuel au crime, à l'infamie, au plaisir de Jekyll, vous pouvez. Entendu, j'ai bien retenu. Voilà. Et ces plaisirs sexuels, dans la mesure où il n'est entouré que d'hommes respectables comme lui, oui. Peut-être, on ne sait pas. On sait que Stevenson lui-même avait fréquenté des prostituées. On sait que toutes les adaptations cinématographiques ont eu envie de faire intervenir des femmes. Mais on sait qu'il n'est entouré que d'hommes. Alors Olivier Cohen, est-ce que ce que dit Georges Bataille sur le mal et notamment la transgression en matière sexuelle, les désirs sexuels interdits que la littérature fait bien, selon lui, de mettre en scène. Est-ce que cela s'appliquerait aussi, et peut-être même plus, à Hubert Selby, qui est quand même un auteur assez inclassable, même si on le rattache à une sorte de veine d'excès post-68. En fait, il ne se reconnaissait pas du tout là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, d'abord, je voudrais dire que les deux écrivains que Selmy admirait le plus, les écrivains modernes, c'était Louis-Ferdinand Céline et Jean Genet. Et je pense que simplement ces deux noms donnent une idée de l'endroit où il se situe, ou en tout cas il voulait se situer dans la littérature. Et sur la deuxième chose, il a dit quelque part, je ne sais plus où, que le lieu où se situent ses livres, c'est l'enfer. L'enfer. De Dante. L'enfer de Dante, bien sûr. Et je pense que ça n'est pas par hasard si Bret Easton Ellis, dans son grand livre American Psycho, dans la première phrase d'American Psycho, c'est « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance », qui est la sentence qui est à l'entrée de l'enfer de Dante. Oui. Alors, évidemment, le fait qu'il ait appelé un de ses livres « Le démon » est assez cohérent avec cette vision des choses. Et un troisième point, vous posiez la question des interdits, notamment des interdits sexuels. C'est tout à fait exact. Et je voudrais simplement signaler que Le démon et Last Exit to Brooklyn sont les deux, les deux parties d'un diptyque. Ah. Et c'est assez évident quand on voit les noms des personnages principaux. Oui. Puisque Harry. Le personnage principal du démon, c'est Harry Black. White, voilà. Et le personnage principal de Last Exit to Brooklyn, c'est Harry Black. Donc ce sont les deux faces d'une même expérience. Alors, Bataille parle du mal. Selby a toujours refusé de se situer dans cette perspective-là, le bien et le mal. Il a toujours dit que, alors ça peut paraître surprenant quand on parle de l'enfer et du démon, mais pour lui, il s'agit de découvrir cette part cachée qu'on porte en soi. Donc l'ombre et la lumière, ça marche mieux que le mal et le bien. Je pense, puisque dans Last Exit to Brooklyn, c'est l'histoire d'un prolétaire, d'un syndicaliste qui découvre son attirance homosexuelle qui le panique complètement. Et dans Le démon, c'est pas du tout le même milieu. C'est la classe moyenne, c'est un Harry White, il a un emploi dans une entreprise à Manhattan. C'est pas, si vous voulez, c'est pas les bas-fonds du tout. Hein. Et en même temps, il va découvrir... Enfin, il sait plus exactement dès le départ qu'il a une obsession sexuelle, qu'il est absolument... les femmes le rendent fou, mais progressivement, il va découvrir que derrière cette obsession sexuelle, il y en a une autre qui est celle de tuer. Alors, je vous dis pas la fin, on en parle qui va-t-il tuer, mais il découvre cette pulsion meurtrière qui, là aussi, l'angoisse énormément. Je vous propose qu'on écoute des mots de Hubert Selby, donc sa voix. Il s'agit d'un documentaire de Ludovic Cantet, réalisé en 1999, intitulé « Hubert Selby, deux ou trois choses ». On écoute. Du plaisir. Mon Dieu, je ne dirais pas que ce soit le mot. Je ne pense pas avoir eu aucun plaisir à écrire. En réalité, je me rappelle que ça me donnait surtout envie de vomir. Spécialement cette scène de viol. Ce que je veux dire, c'est immonde, mais malheureusement, c'est vrai. Ces choses arrivent beaucoup plus que les gens ne le croient. Il n'y a pas de plaisir, mais il y a éventuellement une satisfaction de savoir que vous avez fait ce que le travail exigeait que vous fassiez, même si cela vous rend malade. Et les chiens, cette chose, quand c'est arrivé au début sur le papier, je ne voulais même pas en entendre parler. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Mais je m'étais toujours promis que si cela venait à mon esprit, je le mettais sur le papier. Donc cette chose avec les chiens est arrivée en une séquence que j'ai retravaillée plus tard. Mais c'était dégoûtant. Et ensuite, quand j'ai eu fini le premier jet, cela fonctionnait et je n'avais pas le choix. Je devais laisser cette séquence. Alors, dans ce propos, Hubert Selby évoque plusieurs scènes. Je me permets d'apporter quelques précisions. Je pense, mais je parle sous votre contrôle, Olivier Cohen, que la scène de viol évoque peut-être l'horrible viol collectif de Tralala à la fin de Last Exit to Brooklyn, qui finira avec un vieux manche à balai enfoncé dans le vagin. Il y a aussi la mort, sans doute, de Harry Black, empalé, qui est à l'horizon de ses propos. Quant à la scène de chien, je crois que c'est dans la geôle. C'est une scène assez épouvantable. Mais c'est la nausée sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce que la nausée et le vomissement, c'est une constante chez Selby. Et notamment, il y a une scène terrible où le démon, c'est-à-dire Harry White, vomit avec des éclaboussures terribles, des vomissures effrayantes. Et en fait, il rattache ça explicitement lui-même au démon qui est en lui, qu'il essaye de vomir. Oui, sort de ce corps. C'est l'exorciste, en fait. Enfin, si vous vous souvenez, dans ce film où la petite fille vomit... William Friedkin. Voilà, de manière absolument dégueulasse. Mais je crois que pour employer des mots un petit peu plus savants, c'est l'écriture comme catharsis, c'est-à-dire que ce que Selby nous explique, c'est qu'il a besoin, pour écrire ces scènes qui le hantent, lui, de les expulser, en quelque sorte. Et oui, ça fait pas du bien, c'est pas du plaisir du tout, et ça ne me surprend pas. Mais en même temps, je voudrais dire juste, peut-être raconter une minuscule anecdote. Quand nous avons publié Le Saule, je crois que c'était en 1999, Selby est venu à Paris. Oui. Et j'étais très touché par son apparence physique. Il était très maigre, très pâle, très fatigué. Il n'avait plus qu'un petit morceau de poumon, puisqu'il a souffert de la tuberculose quand il était jeune. Et j'avais décidé de l'emmener déjeuner à la Coupole, qui était grand restaurant, grande brasserie parisienne à Montparnasse, qui était fréquentée pendant des décennies par les écrivains américains. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va jamais pouvoir manger ce qu'on va lui proposer. Peut-être il faudrait lui proposer un plat végétarien, mais est-ce qu'ils en ont à la Coupole? Et là-dessus, il m'a dit, ah, il avait faim, visiblement. Il dit, je vais prendre des escargots. Et puis, ensuite, un bon cassoulet. Alors, j'étais absolument stupéfait, bêtement stupéfait, parce que je l'avais vu comme une espèce de personnage déchiré, malheureux, souffrant. Et il était, en réalité, il était en pleine forme. Comme Dr. Jekyll, je vais vous dire. Alors, justement, je me tourne vers vous, Nathalie Sodo-Welby, pour vous poser cette question. La nausée, c'est aussi ce que racontent parfois certains lecteurs de romans très durs, et notamment, il y a évidemment la figure du marquis de Sade. J'aimerais savoir dans quelle mesure, il est en France bien sûr, mais le mouvement gothique, romanesque, britannique, a des liens. Je pense notamment à l'œuvre de Annie Lebrun, Les Châteaux de la Subversion, qui montre, c'est un livre de 1982, que la question des châteaux obscurs, etc., a hanté effectivement la fin de l'époque des Lumières. C'est pas du tout un hasard, peut-être comme un retour du refoulé. Et il se trouve qu'Annie Lebrun répète souvent que quand elle lit Sade, notamment les 120 journées, elle est malade. C'est quelque chose qui rend malade, et on entend clairement qu'il s'agit de nausées, un peu comme quand Selby écrit. Je voudrais savoir si toute cette affaire un peu française de Sade, j'ai commencé avec Bataille, ça vous parle à vous qui êtes spécialiste du roman gothique de langue anglaise. Je ne sais pas si on peut dire que le roman gothique fin de siècle donne la nausée, parce qu'il est quand même très délicat dans ses effets. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur des romans, on rencontre des personnages mauvais qui donnent la nausée. Donc par exemple, quand les personnages dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde voient Mr. Hyde, ils ont une espèce de symptôme eux-mêmes. Oui. Ils sont pris d'une répulsion absolue pour le personnage, qui n'est pas toujours décrit très précisément physiquement, mais lui, la vision de ce personnage donne la nausée. Donc il y a une espèce de mise en abîme de ce qu'est le personnage à l'intérieur, de peut-être la réaction que nous, on doit avoir à l'intérieur. Pour ce qui est de la nausée, c'était intéressant que vous parliez de la tuberculose, parce qu'on pense que Stevenson lui-même souffrait de quelque chose qui était probablement apparenté à la tuberculose. Et son activité d'écrivain, elle était associée aussi au fait d'être souvent alité, à un état de nausée, de maladie permanente. Mais en lui-même, il y avait un peu cette division que quand il était malade, il écrivait. Oui. Mais ce qu'il désirait, en fait, c'était l'action, c'était une autre forme de vie. Il a beaucoup voyagé par la suite, il a vraiment vécu quand il a voyagé. Et les personnages qui entourent Jekyll, qui sont comme lui des personnages, en fait, très classiques, très traditionnels, des gentlemen, donnent un peu l'impression de manquer de vie. Oui. On a l'impression qu'il leur manque quelque chose. Ils lisent des ouvrages de théologie avec juste un verre de vin à côté d'eux, comme si finalement ils avaient besoin un peu d'un Mr. Hyde, vous voyez. Stevenson était malade, ça m'intéresse ce que vous dites là. On dit qu'il avait le croup, c'est comme ça qu'on dit, et surtout qu'il poussait des cris comme les gens qui souffrent de cela, peut-être d'origine tuberculeuse, c'est-à-dire un stridor. Il y a un côté loup-garou dans cette maladie et dans Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'il se déshumanise. Le stridor, c'est terrible, hein. C'est un symptôme affreux. De gens qui toussent, c'est un bruit très troublant. Était-il troublé par ce que son corps rendait comme une drôle de bruit? Ah, ça, c'est possible, effectivement, que quand il décrit les transformations de Hyde, ses os qui grincent, les affres de douleur par lesquelles il passe quand il se transforme, je pense qu'il y avait quelque chose de vécu. Certainement, cette intense souffrance, et aussi les cauchemars dont il a beaucoup souffert. Mais là aussi, il a un petit peu renversé, je dirais, la maladie dans un but créatif, puisqu'il disait que pendant ses cauchemars, des brownies, il est un peu obsédé par cette couleur marron qu'on voit dans les descriptions du brouillard londonien, oui. Ces brownies étaient aussi une source d'inspiration. Mais en revanche, quand il se voit, puisque Jekyll a installé un grand miroir ovale dans son laboratoire pour se voir, donc comme si un peu il voulait voir lui-même la transformation, il voulait non seulement sentir la transformation, mais aussi la voir. Il a à la fois un rejet, un dégoût vis-à-vis de lui-même, mais en même temps, il dit « Ah, ça aussi, c'est moi ». C'est-à-dire qu'il l'accueille et il est heureux, il se reconnaît. Oui. Et ce qu'il reconnaît, c'est Hyde. Et Hyde va lui permettre de vivre, vraiment, de quitter son lit, de quitter le laboratoire où il doit vivre une vie respectable. Donc, il y a un petit peu aussi ces deux aspects de la vie chez Stevenson. Et Hyde, finalement, n'est pas que le mal, l'infamie, le diable, le démon. C'est aussi ce qui permet de vivre et ce qui permet de s'incarner physiquement. En tout cas, c'est l'obscurité, parce que c'est incroyable les descriptions de Londres, qui ressemblent d'ailleurs parfois un peu à Édimbourg, où Stevenson est né, dans ce livre donc de la fin du 19e siècle. Il y a des descriptions du sinistre quartier de Soho, où en 10 lignes, il dit brouillard, il dit obscurité, il dit teinte crépusculaire, c'est vraiment l'obsession de l'ombre. Et je voudrais quand même là aussi faire le lien avec un ouvrage qui est L'île au trésor, qu'il a écrit 2 ans avant, je crois, ou 7 ans, c'est en 1883, L'île au trésor, quelques années avant. Est-ce que L'île au trésor, c'était la lumière, ou pas du tout, le monde des... Il y avait beaucoup d'obscurité aussi, il y avait beaucoup de choses mystérieuses et effrayantes qu'il aurait d'une autre manière traité dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oui, souvent L'île au trésor est lue comme un récit pour enfants, mais il me semble que c'est bien complexe, bien plus complexe que ça. Oui. Et il y a aussi des personnages, un personnage très noir. Qu'on trouve et qui est commun avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette soif d'action, cette idée de rendre un monde ouvert et accessible, c'est-à-dire que ce qui est l'aventure dans L'île au trésor, la quête, on le retrouve aussi dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce ne sera non pas une quête de déplacement vaste, de cartes à explorer, mais un Londres qui est sombre, qui est labyrinthique, dont on est presque obligé de retracer la carte si on veut comprendre quelles sont les transformations de Jekyll et Hyde. Et cette ville labyrinthique, elle est très caractéristique du gothique fin de siècle. Mm-hmm. Et les brouillards que vous décrivez, c'est aussi cette zone d'incertitude, comme si l'inconnu existait dans Londres lui-même. C'est-à-dire que à Édimbourg, il y avait la vieille ville, la nouvelle ville, donc une ville coupée en deux. À Londres, on avait aussi l'East End, le West End et le quartier de Soho où Jekyll a fait habiter Hyde, qui est un quartier qui correspond au quartier des plaisirs, avec des maisons closes, avec des bas-fonds londoniens, et qui demande aussi à être exploré, mais c'est difficilement avouable pour un gentleman de l'explorer. Alors, Dr. Jekyll se transforme grâce à des potions en Mr. Hyde, qui lui permet d'expulser ce qu'il a de mauvais en lui. Il le fait incarner par un autre que lui. Procédé qu'il semble maîtriser, puis il ne le maîtrise plus. Il se transforme indépendamment de sa volonté. Il a du mal à redevenir Dr. Jekyll. Il a des problèmes de substances chimiques qui lui manquent. Il s'ouvre de ce problème, semble-t-il, à son médecin, Dr. Lanyon, qui va étrangement mourir. N'ayant pas fait partager ce secret, et le secret, on le trouvera dans la lettre laissée par Dr. Jekyll quand lui-même est mort, c'est-à-dire quand Hyde est mort, en fait. Les deux sont morts ensemble, il s'est, semble-t-il, suicidé. On écoute un passage célèbre de cette lettre qui dit la vérité du roman laissé donc aux autres par Dr. Jekyll. Bien qu'agissant avec une duplicité insondable, je n'étais nullement hypocrite. Les deux faces de ma personne étaient aussi vraies l'une que l'autre. Je n'étais pas davantage moi-même lorsque je me vautrais dans la débauche au mépris de toutes les règles que lorsque je m'efforçais aux yeux de tous de travailler au progrès de la science ou de soulager la peine et la souffrance. Et enfin mes recherches, inspirées par le mysticisme et la transcendance, me révélèrent en pleine lumière que les deux parties de mon être se livraient une guerre perpétuelle. Jour après jour, les deux guides de mon esprit, que sont la morale et l'intelligence, me rapprochaient de cette révélation dont la première intuition m'avouait à l'épouvantable naufrage qui me menace aujourd'hui. L'homme n'est pas un, mais deux en vérité. J'appris à m'attarder avec complaisance, comme dans une rêverie familière, sur l'idée que ces deux éléments pussent être séparés. Si chacun d'eux, me disais-je, pouvait seulement habiter une identité à part, la vie serait délivrée de tout ce qui la rend intolérable. Vous venez d'entendre, lu par Riad Kera de notre équipe, un extrait de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, paru en 1886. Nous parlons ce matin de l'ombre et de la lumière dans le roman, et de la part d'ombre de beaucoup de personnages, notamment dans le roman gothique et néo-gothique ensuite anglais, de langue anglaise. Et nous parlons aussi d'Hubert Selby comme figure des années 1960 et 70 qui a exploré la noirceur intérieure. Justement, Olivier Cohen, vous qui connaissez bien Selby, j'aimerais bien que vous commentiez le passage que nous venons d'entendre, l'extrait de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson. Alors, je trouve que c'est très intéressant, ce passage à plus d'un titre. D'abord à cause de cette phrase « je n'étais nullement hypocrite ». Parce que, je ne crois pas me tromper en disant que l'époque pendant laquelle écrit Stevenson, c'est l'époque victorienne. Oui. Et donc, qui était une époque particulièrement caractérisée par l'hypocrisie, justement, puisqu'il y a une répression permanente et même judiciaire de tout ce qui concerne la sexualité déviante, comme on disait à l'époque. Et on se cache comme ça derrière des grands principes, des grandes valeurs morales. Mais Stevenson a l'audace de dire, de faire dire à son personnage, moi je ne suis pas hypocrite, moi je me connais, je connais certaines tendances qui sont en moi, et parce que je les connais, je peux vivre, et non pas mourir de la répression imbécile que la société exerce sur les hommes et sur les femmes. Or, on retrouve chez Selby exactement la même chose. Mmh. C'est-à-dire que les deux, j'y reviens, les deux grands personnages de son œuvre, les deux Harry, sont confrontés à des désirs, des pulsions qui sont en eux, qu'ils reconnaissent, même parfois avec beaucoup de difficultés, et dont ils savent parfaitement que ils sont condamnés par la société, mm-hmm. et qu'ils risquent gros s'ils s'expriment au grand jour. Alors, il y a d'une part, chez Harry Black, il y a cette désir qu'il découvre, que Harry découvre pour les homosexuels, pour un jeune homme en particulier. Et puis, chez le Harry White, quelque chose de plus, peut-être encore plus compliqué, puisque c'est d'abord, il est obsédé par le fait de sauter toutes les femmes qui passent à sa portée, mais ensuite, il devient kleptomane, par exemple. Mm. Et après, il décide de tuer quelqu'un. Oui. Donc, il y a une espèce de prise de... Pas une espèce, il y a une prise de conscience du fait que plus on avance dans l'histoire de ces deux consciences, de ces deux personnages, plus ils sont menacés par la répression et aussi par le fait qu'ils dépassent les limites. Ils font ce qu'on ne doit pas faire. Je vous propose d'écouter La descente aux enfers de Harry White, qui n'est pas Harry Black, il est censé être blanc, mais le noir s'étend en lui profondément. Il est cadre, son patron s'appelle d'ailleurs Wentworth, ce qui pourrait aussi se commenter. La valeur américaine, le profil, capitalisme, les choses sages, en tout cas valorisées socialement. Et ce Harry White n'arrive pas du tout à contrôler ce qui lui arrive. Là aussi, je vais faire les choses un peu en vous utilisant à contre-emploi. C'est Olivier Cohen qui a commenté Stevenson. Je vous demanderai, Nathalie Soudo-Welby, de commenter Le démon de Selby. On écoute un extrait. La vie de Harry n'était plus désormais qu'une série de petits compromis. Ce n'était pas avec la morale généralement admise que Harry se voyait contraint de faire des compromis, mais avec son éthique personnelle. C'était là la source du conflit qui l'agitait, de la douleur qu'il ressentait. Il fallait à tout prix qu'il continue à penser que tout allait bien, que tout ce qui lui arrivait était normal, que tous ces événements étaient la conséquence naturelle de la tension qui s'accumulait en lui dans le cadre de son travail. Après tout, il avait réussi. Il jouissait de l'estime de ses collègues, passait pour un homme de ressources, aux moyens considérables, qui n'avait encore que 30 ans. Dans son esprit ou dans celui de ses collaborateurs, il n'était pas douteux qu'il serait un jour millionnaire. C'était certain. Dans ces conditions, comment les choses auraient-elles pu aller mal? Et il avait une famille merveilleuse qu'il aimait, chérissait tendrement et qui l'aimait. La réussite. Il avait vraiment réussi. Alors, comment les choses auraient-elles pu aller mal? C'était impossible, manifestement impossible. Un jeune homme connaissant la même réussite que Harry White ne pouvait avoir de problème. Et ce nœud qui se formait parfois au creux de son estomac, cette tension qui lui donnait l'impression d'être semblable à un ressort prêt à lâcher, finirait bien par disparaître, quelles qu'en fussent les causes. Dans l'immédiat, il n'y avait rien de mal à lever une bonne femme de temps en temps, ou à passer la nuit avec l'une des filles du service des relations publiques. Ça le soulageait. Il avait fini par s'accommoder du vague sentiment de remords et de culpabilité qu'il éprouvait en se réveillant le lendemain matin. L'important était que rien ne puisse diminuer sa puissance de travail. Et c'était précisément ce que faisait cette tension. Il était donc prêt à tout pour s'en débarrasser. Il fallait qu'il puisse travailler. Bientôt, il fut obligé de découcher de plus en plus fréquemment et se contrôler de moins en moins. Après chaque nouveau compromis et chaque nouveau mensonge, il se sentait déprimé pendant un jour ou deux. Puis il redevenait lui-même et reprenait cette vie de changement perpétuel, et son existence familiale et professionnelle redevenait normale, tandis que la passion qui l'habitait gravissait un nouvel échelon. Un texte de 1976, un extrait du roman « Le démon » de Hubert Selby, où l'on voit clairement que Harry White, le héros, si j'ose employer ce mot, de ce roman, n'arrive plus bien à maîtriser cette force noire, cette force d'ombre en lui. Contrairement à Dr. Jekyll, pratiquement un siècle avant, dans le roman de Stevenson, il n'arrive pas à se cliver. C'est finalement un Dr. Jekyll qui n'aurait pas eu le fantastique moyen de se transformer, qu'on peut lire là, vous qui êtes une spécialiste de Stevenson, Nathalie Soudo-Welby. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, quand j'entends ce passage, je me dis que Selby avait certainement lu et bien lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et que ce qu'il manque à Harry, c'est un Hyde. On a l'impression qu'il est traversé par le même conflit en fait que Jekyll, c'est-à-dire qu'il jouit de l'estime de ses collègues, il travaille, donc il a cette vie respectable de gentleman. L'idée d'être un gentleman, c'est vraiment essentiel dans Dr. Jekyll. Et la question, c'est comment concilier en fait cette vie. Jekyll explique bien qu'il a vécu une vie de recherche, d'efforts, de devoirs, avec un autre aspect de sa personnalité. Et il est reconnu par tous. Et à l'origine, il invente Hyde pour pouvoir être capable de concilier une morale qui peut-être était tiré de la morale calviniste qu'il avait hérité de son père, mais aussi peut-être d'une certaine mentalité victorienne, avec des plaisirs et une vie plus incarnée. Et finalement, il est un peu rattrapé, parce que ce qui est fascinant dans le livre, c'est qu'on n'a pas une scission absolue entre Hyde et Jekyll, mais sans cesse des recouvrements. Oui. C'est ça aussi la zone de moins en moins maîtrisée. De moins en moins maîtrisé, c'est-à-dire qu'il perd la main sur sa créature, mais il perd la main sur sa créature aussi parce que l'idée dans le roman, c'est qu'il n'y a pas vraiment deux créatures, on ne peut pas faire de scission. Sans cesse, les deux personnages se recouvrent, et quand il se voit devenir Hyde, il dit « ça aussi, c'est moi ». Et à la fin, dans le récit, puisque assez curieusement, le récit à la première personne vient seulement à la toute fin du livre, à ce moment-là, il trouve en lui, dit-il, de prendre Hyde en pitié, c'est-à-dire qu'il est capable de sympathiser avec Hyde, et d'ailleurs tous les deux ont la même écriture. J'ai une question, pourquoi au moment où il se confesse, si j'ose dire, je vais assumer le mot, à son médecin, le docteur Lanyon, pourquoi d'après vous Stevenson fait-il mourir Lanyon, de sorte que Lanyon ne puisse pas livrer ce secret? Et c'est Jake lui-même qui le livrera une fois mort. C'est comme si il fallait que ça reste dans l'ombre. C'est-à-dire, à la fois il désire la lumière, il désire parler, mais le romancier laisse la chose dans l'ombre jusqu'à la fin. Il y a une lettre que donne Dr. Oui. Lanyon, où il explique quand même la transformation. Donc il y a une série de lettres. Il est mort quand on a la lettre. Lanyon meurt aussi, non? Alors Lanyon meurt du choc. Il meurt du choc. Oui, d'accord. Il meurt du choc de voir, parce qu'il y a cet effet fulgurant qu'a la transformation sur les autres. Et à la fin, on a une série de lettres dans la lettre. Les textes, c'est très important dans le roman. Et on a, mais c'est bien une confession à la fin de Jekyll, qui est une confession à lui-même et à Utterson, qui l'a transformé en son légataire. C'est-à-dire qu'il va hériter de lui. Ce qui est aussi une façon de dire quelque part que tous les hommes, les juristes, les médecins, tous ces hommes respectables sont un peu des figures en miroir, des semblables de Jekyll lui-même. Alors on va revenir à Hubert Selby, un siècle après, c'est l'Amérique, c'est les années 1960-70 et la part d'ombre obsède Hubert Selby, la part d'ombre de cette Amérique qui réprime énormément de pulsions, qui ne veut pas les voir. Le sexe est fondamental pour Harry White dans Le Démon, mais ça finit par un meurtre. Ça finit par un meurtre, ça c'est quand même très intéressant. J'ai beaucoup de questions à vous poser là-dessus, Olivier Cohen. On écoute l'extrait du meurtre réalisé dans le métro par Hubert, pas par Hubert Selby, mais par son héros Harry White dans Le Démon. Il était là, debout, perdu dans la foule des heures de pointe sur le quai du métro. Le bruit des rames qui circulaient à toute allure sous les tunnels et qui s'arrêtaient dans un hurlement de frein à la station était étouffé par les battements de son cœur qui irradiait dans tout son corps. Il avait l'impression que sa tête allait éclater et que quelqu'un lui enfonçait deux énormes pouces dans les yeux. Son corps tout entier semblait lui remonter à la gorge. Il dut faire un effort pour maîtriser ses sphincters. Ses muscles étaient si tendus qu'ils lui faisaient l'effet de barres de fer prêtes à se rompre. Il entendit le train dans le lointain, et le bruit s'amplifia encore. Il ne pouvait plus respirer. Il était inondé d'une sueur glacée. Ses mains, ses pieds étaient engourdis par le froid. Il remua la tête avec terreur. Il ne voyait pratiquement plus rien. Le bruit de la rame se fit plus fort. Elle se mit à rougir et à hurler dans sa direction. La personne qui se tenait devant lui se changea en masse indistincte. Il sentit le quai trembler à l'approche de la rame, et alors il n'y eut plus rien d'autre que le fracas du métro. Et Harry hurla, qui se perdit dans le vacarme, tandis qu'il poussait le corps devant lui, et la rame le heurta de plein fouet avec un bruit sourd, et les cris et les hurlements se mêlèrent au vacarme ambiant, et au grincement de l'acier sur l'acier à l'instant où les freins étaient actionnés brutalement. France Culture, avec philosophie, Géraldine Ullmann. D'entendre successivement une lecture du démon de Hubert Selby avec la scène de meurtre dans le métro, le meurtre de Harry White, le héros du roman. C'était lu par Doug Ryan, comme les précédents extraits, pour France Culture en février 2014, pour les ateliers de la nuit. Et puis là, vous entendez à la fin de cet extrait la chanson I Love Living in the City du groupe punk Fear. Ça a été joué avant, mais enregistré en 1982. Fear, c'est un groupe punk. Le problème, c'est que ça s'enchaîne très bien. Oui, il y a ce cri de Harry, ah, il y a ce ah dans la chanson. Tout semble être, comment dirais-je, harmonieux. Et pourtant, Olivier Cohen, vous allez nous parler du Verselby qui ne se reconnaissait pas du tout dans le groupe punk, dans le mouvement des années 60-70. Il était à part. Alors, je voudrais même ajouter une chose, c'est que on entend le métal hurler dans ce passage qui vient d'être lu. Et Métal Hurlant, c'était le nom d'une revue animée par des gens qui ont été les éditeurs français de Selby. Donc on pourrait penser qu'il y a un lien entre... vous avez l'air surprise. Non, pas du tout. Non, on peut penser qu'il y avait un lien entre cette musique, ce climat musical et l'univers de Selby. Mais en fait, pas du tout. La musique que Selby écoutait quand il écrivait, par exemple, Last Exit to Brooklyn, il écoutait en boucle du Beethoven. Il adorait aussi Sibelius, par exemple. Il était fan de jazz, de Charlie Parker, de John Coltrane, de Mingus. Et il détestait le rock'n'roll et tous ses dérivés. Et c'est assez intéressant de voir cette espèce de chassé-croisé entre un écrivain qui avait ses goûts musicaux extrêmement précis, très importants pour lui, et une génération de lecteurs et de lectrices qui s'est passionnée pour l'œuvre de Selby, mais qui vivait, elle, dans un climat musical tout à fait autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Ce que ça veut dire, peut-être, c'est que Selby avait des goûts littéraires, musicaux, culturels, d'une génération d'avant, si vous voulez. Et pour lui, c'était très important de pouvoir accéder à cette culture-là, apprécier la musique, apprécier la littérature. Et il y avait, dans le punk rock, quelque chose qui ressemblait à Dada, dans un sens. C'est-à-dire, il fallait détruire la musique. Quoi. Si quiconque a passé un moment dans ce club à New York qui s'appelait le CBGB's, l'a compris. C'était la mise en pièce de la musique. Quand les Ramones arrivaient, c'était une espèce de délire. Ils connaissaient trois accords, mais c'était très puissant, très violent même. Et c'est comme si Selby avait voulu, rejeter à l'extérieur de sa propre culture tout ce qui, dans un sens, semblait la nourrir du point de vue des gens qui le lisaient. Est-ce que ça voudrait dire que la révolte culturelle qui s'est indéniablement passée, la culture, la contestation, comme l'ont dit certains auteurs sur le plan littéraire, sur le plan musical, dans les années 60 et 70, et singulièrement aux États-Unis, pour Selby, c'était encore trop lumineux. Oui, parce qu'il y avait un côté dionysiaque dans cette musique, malgré tout, hein, une espèce de déchaînement. Et puis, je voudrais revenir aussi à un point qui me paraît important, c'est qu'on ne peut pas réduire l'œuvre de Selby à son aspect psychologique. C'est-à-dire qu'il parlait aussi de la société. Il ne parlait pas que de lui. Et quand on met en perspective Last Exit to Brooklyn et Le Démon, on voit bien que Last Exit, c'est, si vous voulez, au centre de ce diptyque, il y a ce qu'il appelait le rêve américain, the American Dream, c'est-à-dire l'idée que après la guerre, l'Amérique allait connaître une période de prospérité, de stabilité, qui durerait indéfiniment, et que la classe moyenne allait accéder à une forme à une vie plus agréable, plus harmonieuse. Or, que montre-t-il dans Last Exit? Il montre, je le disais, les bas-fonds, c'est-à-dire l'enfer et l'envers du rêve américain. Et ce qu'il montre dans Le Démon, c'est l'autodestruction d'un type qui représente justement l'American. Mais même les contestataires étaient encore dans le rêve américain. C'est un peu ça qui, c'est pour ça qu'ils les aimaient pas. Peut-être, peut-être. Bon. Et alors, revenons à Stevenson, puisque c'est le pari de cette émission de faire le lien, notamment entre l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde et le diptyque dont nous venons de parler, le démon et Last Exit to Brooklyn d'Hubert Selby. Nathalie Soddo-Welby, est-ce que vous diriez qu'il y a aussi chez Stevenson, sur le plan formel, un extraordinaire classicisme, alors même que la critique de l'époque victorienne est radicale. Mais il y a, on dit souvent qu'il y a des liens avec, en tout cas, c'est Dorian Gray, je veux dire Oscar Wilde, qui était très marqué par Huysmans, par exemple, en France, à Rebours, qui venait de paraître peu avant le portrait de Dorian Gray et de Oscar Wilde. C'est dans cette langue anglaise-là et ce milieu littéraire anglais qu'évolue aussi Stevenson. Est-ce qu'il y a un goût de la forme classique pour dire des horreurs ? De la forme classique, je ne sais pas si on peut... Il a une écriture très dense. Il avait l'idée d'éliminer les adjectifs, c'est-à-dire que il s'est opposé peut-être aux excès du réalisme. Il souhaitait créer un roman qui soit neuf, énergique. Il ne souhaitait pas s'épancher en description. Et ça n'était pas techniquement un écrivain décadent, donc on ne trouve pas une complaisance dans l'utilisation du mot rare. Mais ce qui est frappant quand il décrit Hyde, c'est la variété des comparaisons, des registres auxquels il emprunte. Il va à la fois parler de lui comme un jumeau, comme un troglodyte, comme un grand singe. Donc il s'inscrit vraiment dans un contexte un peu à la façon d'Hubert Selby. Je crois qu'il appartient quand même à un contexte qui est aussi celui d'une certaine montée de la classe moyenne. Et ce qui fait peur en Hyde, c'est de voir l'homme de la classe moyenne, le gentleman, qui peut dégénérer. Et ça, c'est assez nouveau. Pas le docteur Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Hello, Dr. Jekyll. Je vous dis que je ne suis pas le docteur Jekyll. Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Docteur Jekyll et Monsieur Hyde de Serge Gainsbourg, 1968, pour ce qui est de l'album Initials BB. Mais auparavant, il y avait déjà eu un single avec cette chanson en 1966. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de tout autre chose que notre sujet à nous sur l'ombre et la lumière. Il parle de la force et de la justice. On l'écoute, voici le pourquoi du comment. Pourquoi l'obligation n'est-elle pas la contrainte ? Dans un chapitre très célèbre du Contrat social intitulé « Du droit du plus fort », Jean-Jacques Rousseau reprend la grande thèse philosophique, classique mais toujours à renouveler, qui nous montre que la force n'est justement pas un droit. Ce que Rousseau veut critiquer, c'est un prétendu droit du plus fort, car la force n'est jamais la source d'un droit puisqu'elle n'est jamais la source d'un accord. Elle n'est jamais fondée sur un accord, au contraire, elle est toujours fondée sur l'écrasement de la liberté. liberté et sur la pure contrainte. Un bandit de grand chemin qui nous braque au détour d'une forêt et qui nous met un pistolet sur la tempe en disant la bourse ou la vie, il n'a pas besoin que je dise oui ou non. Il me prendra ma bourse, sinon il me prendra la vie. Ainsi, la contrainte est ce qui est fondé non pas sur l'expérience de l'accord, mais sur, au contraire, la pure soumission à une force. C'est ce qui fait de nous une chose, comme dira Simone Veil bien plus tard, sans accorder aucun respect à notre liberté ou à notre volonté. Au contraire, selon Jean-Jacques Rousseau, qui va défendre cette thèse radicalement dans Le Contrat social, l'obligation résulte d'un consentement fondamental, d'un consentement même à subir ensuite les conséquences de cet accord initial. Et par exemple, dans le contrat social, nous nous accordons librement sur des lois et nous nous obligeons ensuite à les respecter, comme Montesquieu disait que l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est une liberté. Ce n'est pas la soumission à une force qui nous est imposée, mais l'obéissance à une loi qu'on a acceptée. Ainsi, c'est le consentement initial qui définit l'obligation qu'ensuite je devrais respecter, même si mon désaccord ou même si un effet négatif devait s'en suivre, même si mon désaccord partiel pouvait m'amener à contester l'application de la loi. Et d'ailleurs, dans une loi juste, il y aura des espaces pour la contestation de la décision de justice. Ainsi, dans la théorie philosophique et politique du contrat social en particulier, et de Jean-Jacques Rousseau, très précisément, l'obligation n'a rien à voir avec la contrainte, même si au bout du compte, elle peut se faire respecter aussi par la force, par l'usage légitime de la force. C'est évidemment une théorie qui pose deux extrêmes. Avec l'idée à un extrême d'une pure contrainte par la violence et à l'autre extrême d'une obligation qui ne comporterait aucune violence puisque j'y aurais complètement consenti. Et d'une certaine façon, il faut poser ces extrêmes et la liberté, l'institution de la liberté repose sur ce que Bruno Bernardi a appelé le principe obligation. Et dans les faits, pourtant, l'obligation a toujours quelque chose de ce que Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, appelait une pression. Et Durkheim aussi, sociologue de l'obligation, voyait dans l'obligation un fait social primitif que personne n'a vraiment institué, décidé, voté, consenti. Il y a des obligations non réellement consenties, des rituels sociaux auxquels je dois me plier, des obligations que je dois pouvoir contester, que je dois pouvoir changer. L'obligation comporte une part de force, une part de pression. La seule véritable incitation à la liberté, ce serait un consentement enthousiaste, une vraie adhésion à un principe et jamais le fait de le ressentir négativement comme une contrainte. Il peut donc y avoir malgré tout un reste de contrainte dans l'obligation. Mais il faut poser le principe de l'obligation libre et l'adhésion à la liberté comme principe qui nous permet de consentir à l'obligation en général, sinon on retombe dans le règne non seulement de la contrainte, mais de la force en général, du conflit purement violent, de la guerre et de la haine. Et donc l'adhésion au principe d'obligation par amour de la liberté est ce qui peut nous permettre de vivre dans la justice. Merci Frédéric Worms et merci à nos deux invités du jour, Nathalie Saudo-Welby et Olivier Cohen, qui nous ont parlé du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson et de l'œuvre romanesque d'Hubert Selby dans le cadre de cette série sur l'ombre et la lumière. Les références de vos travaux, à vous notamment, Nathalie Saudo-Welby, sont sur le site d'Avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et le reste de l'équipe, Carla Michel, Antoine Ravon, Chaï Magiboire et ces jours-ci avec nous, Hector Paillasson. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !